Section 39 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre 12e. Suite. J'ai parlé dans le congrès de Vérone de l'existence de mon mémoire sur l'Orient. Quand je l'envoyai de Rome en 1828 à M. le comte de La Ferronnays, alors ministre des Affaires étrangères, le monde n'était pas ce qu'il est. En France, la légitimité existait, en Russie, la Pologne n'avait pas péri, l'Espagne était encore bourbonienne, l'Angleterre n'avait pas encore l'honneur de nous protéger. Beaucoup de choses ont donc vieilli dans ce mémoire. Aujourd'hui, ma politique extérieure, sous plusieurs rapports, ne serait plus la même. 12 années ont changé les relations diplomatiques, mais le fond des vérités est demeuré. J'ai inséré ce mémoire en entier pour venger une fois de plus la Restauration des reproches absurdes qu'on s'obstine à lui adresser, malgré l'évidence des faits. La Restauration, aussitôt qu'elle choisit ses ministres parmi ses amis, ne cessa de s'occuper de l'indépendance et de l'honneur de la France. Elle s'éleva contre les traités de Vienne. Elle réclama des frontières protectrices, non pour la gloriole de s'étendre jusqu'au bord du Rhin, mais pour chercher sa sûreté. Elle a ri lorsqu'on lui parlait de l'équilibre de l'Europe, équilibre si injustement rompu envers elle. C'est pourquoi elle désira d'abord se couvrir au midi, puisqu'il avait plus de la désarmer au nord. À Navarin, elle retrouva une marine et la liberté de la Grèce. La question d'Orient ne la prit point au dépourvu. J'ai gardé 3 opinions sur l'Orient depuis l'époque où j'écrivis ce mémoire. Premièrement, si la Turquie d'Europe doit être dépecée, nous devons avoir un lot dans ce morcellement par un agrandissement de territoire sur nos frontières et par la possession de quelques points militaires dans l'archipel. Comparer le partage de la Turquie au partage de la Pologne est une absurdité. Deuxièmement, considérer la Turquie telle qu'elle était au règne de François Ier, comme une puissance utile à notre politique, c'est retrancher 3 siècles de l'histoire. Troisièmement, prétendre civiliser la Turquie en lui donnant des bateaux à vapeur et des chemins de fer, en disciplinant ses armées, en lui apprenant à manœuvrer ses flottes, ce n'est pas étendre la civilisation en Orient, c'est introduire la barbarie en Occident. Des Ibrahim futurs pourront ramener l'avenir au temps de Charles Martel ou au temps du siège de Vienne, quand l'Europe fut sauvée par cette héroïque Pologne sur laquelle pèse l'ingratitude des rois. Je dois remarquer que j'ai été le seul, avec Benjamin Constant, à signaler l'imprévoyance des gouvernements chrétiens. Un peuple dont l'ordre social est fondé sur l'esclavage et la polygamie est un peuple qu'il faut renvoyer aux steppes des Mongols. En dernier résultat, la Turquie d'Europe, devenue vassale de la Russie en vertu du traité d'Enkiarskelesi, n'existe plus. Si la question doit se décider immédiatement, ce dont je doute, il serait peut-être mieux qu'un empire indépendant eût son siège à Constantinople et fît un tout de la Grèce. Cela est-il possible? Je l'ignore. Quant à Mehemet Ali, fermier et douanier impitoyable, l'Égypte, dans l'intérêt de la France, est mieux gardée par lui qu'elle ne le serait par les Anglais. Mais je m'évertue à démontrer l'honneur de la Restauration. Eh, qui s'inquiète de ce qu'elle a fait? Surtout, qui s'en inquiétera dans quelques années? Autant vaudrait m'échauffer pour les intérêts de Tyr et d'Ecbatane. Ce monde passé n'est plus et ne sera plus. Après Alexandre, commença le pouvoir romain. Après César, le christianisme changea le monde. Après Charlemagne, la nuit féodale engendra une nouvelle société. Après Napoléon, néant. On ne voit venir ni empire, ni religion, ni barbare. La civilisation est montée à son plus haut point, mais civilisation matérielle, inféconde, qui ne peut rien produire, car on ne saurait donner la vie que par la morale. On n'arrive à la création des peuples que par les routes du ciel. Les chemins de fer nous conduiront seulement avec plus de rapidité à l'abîme. Voilà les prolégomènes qui me semblaient nécessaires à l'intelligence du mémoire qui suit, et qui se trouve également aux affaires étrangères. Lettre à M. le comte de La Ferronnays. Rome, ce 30 novembre 1828. Dans votre lettre particulière du 10 de novembre, mon noble ami, vous me disiez « Je vous adresse un court résumé de notre situation politique et vous serez assez aimable pour me faire connaître en retour vos idées, toujours si bonnes à connaître en pareille matière. Votre amitié, noble comte, me juge avec trop d'indulgence. je ne crois pas du tout vous éclairer en vous envoyant le mémoire ci-joint. Je ne fais que vous obéir. Mémoire, première partie. À la distance où je suis du théâtre des événements et dans l'ignorance presque totale où je me trouve de l'état des négociations, je ne puis guère raisonner convenablement. Néanmoins, comme j'ai depuis longtemps un système arrêté sur la politique extérieure de la France, et comme j'ai, pour ainsi dire, été le premier à réclamer l'émancipation de la Grèce, je soumets volontiers, noble comte, mes idées à vos lumières. Il n'était point encore question du traité du 6 juillet, lorsque je publiais ma note sur la Grèce. Cette note renfermait le germe du traité. Je proposais aux 5 grandes puissances de l'Europe d'adresser une dépêche collective au divan, pour lui demander impérativement la cessation de toute hostilité entre la Porte et les Hellènes. Dans le cas d'un refus, les 5 puissances auraient déclaré qu'elles reconnaissaient l'indépendance du gouvernement grec et qu'elles recevraient les agents diplomatiques de ce gouvernement. Cette note fut lue dans les divers cabinets. La place que j'avais occupée comme ministre des Affaires étrangères donnait quelque importance à mon opinion. Ce qu'il y a de singulier, c'est que le prince de Metternich se montra moins opposé à l'esprit de ma note que M. Canning. Le dernier, avec lequel j'avais eu des liaisons assez intimes, était plus orateur que grand politique, plus homme de talent comme d'état. Il avait en général une certaine jalousie des succès et surtout de ceux de la France. Quand l'opposition parlementaire blessait ou exaltait son amour-propre, il se précipitait dans de fausses démarches, se répandait en sarcasmes ou en vanteries. C'est ainsi qu'après la guerre d'Espagne, il rejeta la demande d'intervention que j'avais arrachée avec tant de peine au cabinet de Madrid pour l'arrangement des affaires d'outre-mer. La raison secrète en était qu'il n'avait pas fait lui-même cette demande. Il ne voulait pas voir que même dans son système, si toutefois il en avait un, l'Angleterre représentée dans un congrès général ne serait nullement liée par les actes de ce congrès et resterait toujours libre d'agir séparément. C'est encore ainsi que lui, M. Canning, fit passer des troupes en Portugal, non pour défendre une charte dont il était le premier à se moquer, mais parce que l'opposition lui reprochait la présence de nos soldats en Espagne, et qu'il voulait pouvoir dire au Parlement que l'armée anglaise occupait Lisbonne comme l'armée française occupait Cadix. Enfin, c'est ainsi qu'il a signé le traité du 6 juillet contre son opinion particulière, contre l'opinion de son propre pays, défavorable à la cause des Grecs. S'il accéda à ce traité, ce fut uniquement parce qu'il eut peur de nous voir prendre, avec la Russie, l'initiative de la question et recueillir seul la gloire d'une résolution généreuse. Ce ministre, qui après tout laissera une grande renommée, crut aussi gêner les mouvements de la Russie par ce traité même. Cependant, il était clair que le texte de l'acte n'enchaînait point l'empereur Nicolas, ne l'obligeait point à renoncer à une guerre particulière avec la Turquie. Le traité du 6 de juillet est une pièce informe, brochée à la hâte, où rien n'est prévu, et qui fourmille de dispositions contradictoires. Dans ma note sur la Grèce, je supposais l'adhésion des 5 grandes puissances. L'Autriche et la Prusse s'étant tenues à l'écart, leur neutralité les laisse libres, selon les événements, de se déclarer pour ou contre l'une des parties belligérantes. Il ne s'agit plus de revenir sur le passé, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Tout ce à quoi les gouvernements sont obligés, c'est à tirer le meilleur parti des faits lorsqu'ils sont accomplis. Examinons donc ces faits. Nous occupons la Morée. Les places de cette péninsule sont tombées entre nos mains. Voilà pour ce qui nous concerne. Varna est pris. Varna devient un avant-poste placé à 70 heures de marche de Constantinople. Les Dardanelles sont bloquées. Les Russes s'empareront pendant l'hiver de Silistrie et de quelques autres forteresses. De nombreuses recrues arriveront. Au premier jour du printemps, tout s'ébranlera pour une campagne décisive. En Asie, le général Paskevitch a envahi 3 patchaliks. Il commande les sources de l'Euphrate et menace la route d'Erzeroum. Voilà pour ce qui concerne la Russie. L'empereur Nicolas eût-il mieux fait d'entreprendre une campagne d'hiver en Europe? Je le pense, s'il en avait la possibilité. En marchant sur Constantinople, il aurait tranché le nœud gordien. Il aurait mis fin à toutes les intrigues diplomatiques. On se range du côté des succès. Le moyen d'avoir des alliés, c'est de vaincre. Quant à la Turquie, il m'est démontré qu'elle nous eût déclaré la guerre si les Russes eussent échoué devant Varna. Aura-t-elle le bon sens aujourd'hui d'entamer des négociations avec l'Angleterre et la France pour se débarrasser au moins de l'une et de l'autre ? L'Autriche lui conseillerait volontiers ce parti, mais il est bien difficile de prévoir quelle sera la conduite d'une race d'hommes qui n'ont point les idées européennes. À la fois rusés comme des esclaves et orgueilleux comme des tyrans, la colère n'est jamais chez eux tempérée que par la peur. Le sultan Mahmoud II, sous quelque rapport, paraît un prince supérieur au dernier sultan. Il a surtout le courage politique. Mais a-t-il le courage personnel ? Il se contente de passer des revues dans les faubourgs de sa capitale et se fait supplier par les grands de n'aller pas même jusqu'à Andrinople. La populace de Constantinople serait mieux contenue par les triomphes que par la présence de son maître. Admettons toutefois que le divan consente à des pourparlers sur les bases du traité du 6 juillet. La négociation sera très épineuse. Quand il n'y aurait à régler que les limites de la Grèce, c'est à n'en pas finir. Où ces limites seront-elles posées sur le continent ? Combien d'îles seront-elles rendues à la liberté ? Samos, qui a si vaillamment défendu son indépendance, sera-t-elle abandonnée ? Allons plus loin, supposons les conférences établies. Paralyseront-elles les armées de l'empereur Nicolas ? Tandis que les plénipotentiaires des Turcs et des trois puissances alliées négocieront dans l'archipel. Chaque pas des troupes envahissantes dans la Bulgarie changera l'état de la question. Si les Russes étaient repoussés, les Turcs romperaient les conférences. Si les Russes arrivaient aux portes de Constantinople, il s'agirait bien de l'indépendance de la Morée. Les Hellènes n'auraient besoin ni de protecteurs ni de négociateurs. Ainsi donc, amener le divan à s'occuper du traité du 6 juillet, c'est reculer la difficulté et non la résoudre. La coïncidence de l'émancipation de la Grèce et de la signature de la paix entre les Turcs et les Russes est, à mon avis, nécessaire pour faire sortir les cabinets de l'Europe de l'embarras où ils se trouvent. Quelles conditions l'empereur Nicolas mettra-t-il à la paix ? Dans son manifeste, il déclare qu'il renonce à des conquêtes, mais il parle d'indemnité pour les frais de la guerre. Cela est vague et peut mener loin. Le cabinet de Saint-Pétersbourg, prétendant régulariser les traités d'Ackermann et d'Iassi, demandera-t-il, premièrement, l'indépendance complète des deux principautés, deuxièmement, la liberté du commerce dans la mer Noire, tant pour la nation russe que pour les autres nations, troisièmement, le remboursement des sommes dépensées dans la dernière campagne ? D'innombrables difficultés se présentent à la conclusion d'une paix sur ces bases. Si la Russie veut donner aux principautés des souverains de son choix, l'Autriche regardera la Moldavie et la Valachie comme deux provinces russes et s'opposera à cette transaction politique. La Moldavie et la Valachie passeront-elles sous la domination d'un prince indépendant de toute grande puissance ou d'un prince installé sous le protectorat de plusieurs souverains ? Dans ce cas, Nicolas préférerait des hospodars nommés par Mahmoud, car les principautés, ne cessant pas d'être turques, demeurerait vulnérable aux armes de la Russie. La liberté du commerce de la mer Noire, l'ouverture de cette mer à toutes les flottes de l'Europe et de l'Amérique, ébranlerait la puissance de la porte dans ses fondements. Octroyer le passage des vaisseaux de guerre sous Constantinople, c'est par rapport à la géographie de l'Empire ottoman, comme si l'on reconnaissait le droit des armées étrangères de traverser en tout temps la France le long des murs de Paris. Enfin, où la Turquie prendrait-elle de l'argent pour payer les frais de la campagne ? Le prétendu trésor des sultans est une vieille fable. Les provinces conquises au-delà du Caucase pourraient être, il est vrai, cédées comme hypothèque de la somme demandée. Des deux armées russes, l'une en Europe, me semble être chargée des intérêts de l'honneur de Nicolas, l'autre en Asie, de ses intérêts pécuniaires. Mais si Nicolas ne se croyait pas lié par les déclarations de son manifeste, l'Angleterre verrait-elle d'un œil indifférent le soldat moscovite s'avancer sur la route de l'Inde ? N'a-t-elle pas déjà été alarmée lorsqu'en 1827 il a fait un pas de plus dans l'Empire persan ? C'est la double difficulté qui naît, et de la mise à exécution du traité, et de la pertinence des conditions d'une paix entre la Turquie et la Russie, si cette double difficulté rendait inutiles les efforts tentés pour vaincre tant d'obstacles. Si une seconde campagne s'ouvrait au printemps, les puissances de l'Europe prendraient-elles parti dans la querelle ? Quel serait le rôle que devrait jouer la France ? C'est ce que je vais examiner dans la seconde partie de cette note. Seconde partie. L'Autriche et l'Angleterre ont des intérêts communs. Elles sont naturellement alliées pour leur politique extérieure, quelles que soient d'ailleurs les différentes formes de leur gouvernement et les maximes opposées de leur politique intérieure. Toutes deux sont ennemies et jalouses de la Russie. Toutes deux désirent arrêter les progrès de cette puissance. Elles s'uniront peut-être dans un cas extrême, mais elles sentent que si la Russie ne se laisse pas imposer, elle peut braver cette union plus formidable en apparence qu'en réalité. L'Autriche n'a rien à demander à l'Angleterre. Celle-ci, à son tour, n'est bonne à l'Autriche que pour lui fournir de l'argent. Or, l'Angleterre, écrasée sous le poids de sa dette, n'a plus d'argent à prêter à personne. Abandonnée à ses propres ressources, l'Autriche ne saurait, dans l'état actuel de ses finances, mettre en mouvement de nombreuses armées, surtout étant obligée de surveiller l'Italie et de se tenir en garde sur les frontières de la Pologne et de la Prusse. La position actuelle des troupes russes leur permettrait d'entrer plus vite à Vienne qu'à Constantinople. Que peuvent les Anglais contre la Russie ? Fermer la Baltique, ne plus acheter le chanvre et les bois sur les marchés du Nord, détruire la flotte de l'amiral Hayden dans la Méditerranée, jeter quelques ingénieurs et quelques soldats dans Constantinople, porter dans cette capitale des provisions de bouche et des munitions de guerre, pénétrer dans la mer Noire, bloquer les ports de la Crimée, priver les troupes russes en campagne de l'assistance de leurs flottes commerciales et militaires. Supposons tout cela accompli, ce qui d'abord ne peut se faire sans des dépenses considérables, lesquelles n'auraient ni dédommagement ni garantie. Resterait toujours à Nicolas son immense armée de terre. Une attaque de l'Autriche et de l'Angleterre contre la Croix en faveur du croissant augmenterait en Russie la popularité d'une guerre déjà nationale et religieuse. Des guerres de cette nature se font sans argent. Ce sont celles qui précipitent, par la force de l'opinion, les nations les unes sur les autres. Que les papas commencent à évangéliser à Saint-Pétersbourg, comme les ulémas mahométistes à Constantinople, ils ne trouveront que trop de soldats. Ils auraient plus de chances de succès que leurs adversaires dans cet appel aux passions et aux croyances des hommes. Les invasions qui descendent du nord au midi sont bien plus rapides et bien plus irrésistibles que celles qui gravissent du midi au nord. La pente des populations les incline à s'écouler vers les beaux climats. La Prusse demeurerait-elle spectatrice, indifférente de cette grande lutte, si l'Autriche et l'Angleterre se déclaraient pour la Turquie ? Il n'y a pas lieu de le croire. Il existe sans doute dans le cabinet de Berlin un parti qui hait et qui craint le cabinet de Saint-Pétersbourg. Mais ce parti, qui d'ailleurs commence à vieillir, trouve pour obstacle le parti anti-autrichien et surtout des affections domestiques. Les liens de famille, faibles ordinairement entre les souverains, sont très forts dans la famille de Prusse. Le roi Frédéric Guillaume III aime tendrement sa fille, l'impératrice actuelle de Russie. Il se plaît à penser que son petit-fils montera sur le trône de Pierre le Grand. Les princes Frédéric, Guillaume, Charles, Henri Albert sont aussi très attachés à la sœur Alexandra. Le prince royal héréditaire ne faisait pas de difficulté de déclarer dernièrement à Rome qu'il était turcophage. En décomposant ainsi les intérêts, on s'aperçoit que la France est dans une admirable position politique. Elle peut devenir l'arbitre de ce grand débat. Elle peut à son gré garder la neutralité ou se déclarer pour un parti, selon le temps et les circonstances. Si elle était jamais obligée d'en venir à cette extrémité, si ses conseils n'étaient pas écoutés, si la noblesse et la modération de sa conduite ne lui obtenaient pas la paix qu'elle désire pour elle et pour les autres, dans la nécessité où elle se trouverait de prendre les armes, tous ses intérêts la porteraient du côté de la Russie. Qu'une alliance se forme entre l'Autriche et l'Angleterre contre la Russie, quels fruits la France recueillerait-elle de son adhésion à cette alliance ? L'Angleterre prêterait-elle des vaisseaux à la France ? La France est encore, après l'Angleterre, la première puissance maritime de l'Europe. Elle a plus de vaisseaux qu'il ne lui en faut pour détruire, s'il le fallait, les forces navales de la Russie. L'Angleterre nous fournirait-elle des subsides ? L'Angleterre n'a point d'argent. La France en a plus qu'elle, et les Français n'ont pas besoin d'être à la solde du Parlement britannique. L'Angleterre nous assisterait-elle de soldats et d'armes ? Les armes ne manquent point à la France, encore moins les soldats. L'Angleterre nous assurerait-elle un accroissement de territoire insulaire ou continental ? Où prendrons-nous cet accroissement si nous faisons, au profit du Grand-Turc, la guerre à la Russie ? Essayerons-nous des descentes sur les côtes de la mer Baltique, de la mer Noire et du détroit de Béring ? Aurions-nous une autre espérance ? Penserions-nous à nous attacher l'Angleterre afin qu'elle accourût à notre secours si jamais nos affaires intérieures venaient à se brouiller ? Dieu nous garde d'une telle prévision et d'une intervention étrangère dans nos affaires domestiques. L'Angleterre, d'ailleurs, a toujours fait bon marché des rois et de la liberté des peuples. Elle est toujours prête à sacrifier sans remords monarchie ou république à ses intérêts particuliers. Naguère encore, elle proclamait l'indépendance des colonies espagnoles en même temps qu'elle refusait de reconnaître celle de la Grèce. Elle envoyait ses flottes appuyer les insurgés du Mexique et faisait arrêter dans la Tamise quelques chétifs bateaux à vapeur destinés pour les Hellènes. Elle admettait la légitimité des droits de Mahmoud et niait celle des droits de Ferdinand. Vouée tour à tour au despotisme ou à la démocratie, selon le vent qui amenait dans ses ports les vaisseaux des marchands de la cité. Enfin, en nous associant au projet guerrier de l'Angleterre et de l'Autriche contre la Russie, où irions-nous chercher notre ancien adversaire d'Austerlitz ? Il n'est point sur nos frontières. Ferions-nous donc partir à nos frais 100 000 hommes bien équipés pour secourir Vienne ou Constantinople ? Aurions-nous une armée à Athènes pour protéger les Grecs contre les Turcs ? Et une armée à Andrinople pour protéger les Turcs contre les Russes. Nous mitraillerions les Osmanlis en Morée et nous les embrasserions aux Dardanelles. Ce qui manque de sens commun dans les affaires humaines ne réussit pas. Admettons néanmoins, en dépit de toute vraisemblance, que nos efforts fussent couronnés d'un plein succès dans cette triple alliance contre nature. Supposons que la Prusse demeura neutre pendant tout ce démêlé, ainsi que les Pays-Bas, et que, libres de porter nos forces au dehors, nous ne fussions pas obligés de nous battre à 60 lieues de Paris. Eh bien, quel profit retirerions-nous de notre croisade pour la délivrance du tombeau de Mahomet ? Chevaliers des Turcs, nous reviendrions du Levant avec une pelisse d'honneur. Nous aurions la gloire d'avoir sacrifié 1,2 milliard hommes pour calmer les terreurs de l'Autriche, pour satisfaire aux jalousies de l'Angleterre, pour conserver dans la plus belle partie du monde la peste et la barbarie attachées à l'Empire ottoman. L'Autriche aurait peut-être augmenté ses états du côté de la Valachie et de la Moldavie, et l'Angleterre aurait peut-être obtenu de la Porte quelques privilèges commerciaux, privilèges pour nous d'un faible intérêt si nous y participions, puisque nous n'avons ni le même nombre de navires marchands que les Anglais, ni les mêmes ouvrages manufacturés à répandre dans le Levant. Nous serions complètement dupes de cette triple alliance qui pourrait manquer son but et qui, si elle l'atteignait, ne l'atteindrait qu'à nos dépens. Mais si l'Angleterre n'a aucun moyen direct de nous être utile, ne saurait-elle du moins agir sur le cabinet de Vienne, engager l'Autriche en compensation des sacrifices que nous ferions pour elle, à nous laisser reprendre les anciens départements situés sur la rive gauche du Rhin ? Non. L'Autriche et l'Angleterre s'opposeront toujours à une pareille concession. La Russie seule peut nous la faire, comme nous le verrons ci-après. L'Autriche nous déteste et s'épouvante de nous, encore plus qu'elle ne hait et ne redoute la Russie. Mal pour mal, elle aimerait mieux que cette dernière puissance s'étendît du côté de la Bulgarie que la France du côté de la Bavière. Mais l'indépendance de l'Europe serait menacée si les Czars faisaient de Constantinople la capitale de leur empire. Il faut expliquer ce que l'on entend par l'indépendance de l'Europe. Veut-on dire que tout équilibre étant rompu, la Russie, après avoir fait la conquête de la Turquie européenne, s'emparerait de l'Autriche, soumettrait l'Allemagne et la Prusse et finirait par asservir la France ? Et d'abord, tout empire qui s'étend sans mesure perd de sa force. Presque toujours il se divise. On verrait bientôt 2 ou 3 Russies ennemies les unes des autres. Et ensuite, l'équilibre de l'Europe existe-t-il pour la France depuis les derniers traités ? L'Angleterre a conservé presque toutes les conquêtes qu'elle a faites dans les colonies de trois parties du monde pendant la guerre de la Révolution. En Europe, elle a acquis Malte et les îles Ioniennes. Il n'y a pas jusqu'à son électorat de Hanovre qu'elle n'ait enflé en royaume et agrandi de quelques seigneuries. L'Autriche a augmenté ses possessions d'un tiers de la Pologne et des Romures de la Bavière, d'une partie de la Dalmatie et de l'Italie. Elle n'a plus, il est vrai, les Pays-Bas. Mais cette province n'a point été dévolue à la France, et elle est devenue contre nous une auxiliaire redoutable de l'Angleterre et de la Prusse. La Prusse s'est agrandie du duché ou palatinat de Posen, d'un fragment de la Saxe et des principaux cercles du Rhin. Son poste avancé est sur notre propre territoire, à 10 journées de marche de notre capitale. La Russie a recouvré la Finlande et s'est établie sur les bords de la Vistule. Et nous, qu'avons-nous gagné dans tous ces partages? Nous avons été dépouillés de nos colonies. Notre vieux sol même n'a pas été respecté. Landau détaché de la France. Huningue rasé, laisse une brèche de plus de 50 lieues dans nos frontières. Le petit état de Sardaigne n'a pas rougi de se revêtir de quelques lambeaux volés à l'empire de Napoléon et au royaume de Louis le Grand. Dans cette position, quel intérêt avons-nous à rassurer l'Autriche et l'Angleterre contre les victoires de la Russie? Quand celle-ci s'étendrait vers l'Orient et alarmerait le cabinet de Vienne, en serions-nous en danger? Nous a-t-on assez ménagé pour que nous soyons si sensibles aux inquiétudes de nos ennemis? L'Angleterre et l'Autriche ont toujours été et seront toujours les adversaires naturels de la France. Nous les verrions demain s'allier de grand cœur à la Russie s'il s'agissait de nous combattre et de nous dépouiller. N'oublions pas que tandis que nous prendrions les armes pour le prétendu salut de l'Europe, mise en péril par l'ambition supposée de Nicolas, il arriverait probablement que l'Autriche, moins chevaleresque et plus rapace, écouterait les propositions du cabinet de Pétersbourg. Un revirement brusque de politique lui coûte peu. Du consentement de la Russie, elle se saisirait de la Bosnie et de la Serbie, nous laissant la satisfaction de nous évertuer pour Mahmoud. La France est déjà dans une demi-hostilité avec les Turcs. Elle seule a déjà dépensé plusieurs millions et exposé 20 000 soldats dans la cause de la Grèce. L'Angleterre ne perdrait que quelques paroles en trahissant les principes du traité du 6 de juillet. La France y perdrait honneur, hommes et argent. Notre expédition ne serait plus qu'une vraie cacade politique. Mais si nous ne nous unissons pas à l'Autriche et à l'Angleterre, l'empereur Nicolas ira donc à Constantinople? L'équilibre de l'Europe sera donc rompu? Laissons, pour le répéter encore une fois, ces frayeurs feintes ou vraies à l'Angleterre et à l'Autriche. Que la première craigne de voir la Russie s'emparer de la traite du Levant et devenir puissance maritime. Cela nous importe peu. Est-il donc si nécessaire que la Grande-Bretagne reste en possession du monopole des mers, que nous répandions le sang français pour conserver le sceptre de l'océan aux destructeurs de nos colonies, de nos flottes et de notre commerce? Faut-il que la race légitime mette en mouvement des armées afin de protéger la maison qui s'unit à l'illégitimité et qui réserve peut-être pour des temps de discorde les moyens qu'elle croit avoir de troubler la France? Bel équilibre pour nous que celui de l'Europe, lorsque toutes les puissances, comme je l'ai déjà montré, ont augmenté leur masse et diminué d'un commun accord le poids de la France. Qu'elles rentrent comme nous dans leurs anciennes limites, puis nous volerons au secours de leur indépendance si cette indépendance est menacée. Elles ne se firent aucun scrupule de se joindre à la Russie pour nous démembrer et pour s'incorporer le fruit de nos victoires. Qu'elle souffre donc aujourd'hui que nous resserrions les liens formés entre nous et cette même Russie pour reprendre des limites convenables et rétablir la véritable balance de l'Europe. Au surplus, si l'empereur Nicolas voulait et pouvait aller signer la paix à Constantinople, la destruction de l'Empire ottoman serait-elle la conséquence rigoureuse de ce fait? La paix a été signée les armes à la main à Vienne, à Berlin, à Paris. Presque toutes les capitales de l'Europe, dans ces derniers temps, ont été prises. L'Autriche, la Bavière, la Prusse, l'Espagne ont-elles péri? Deux fois les Cosaques et les Pandours sont venus camper dans la cour du Louvre. Le royaume de Henri IV a été occupé militairement pendant 3 années. et nous serions tout émus de voir les Cosaques au sérail, et nous aurions pour l'honneur de la barbarie cette susceptibilité que nous n'avons pas eue pour l'honneur de la civilisation et pour notre propre patrie. Que l'orgueil de la porte soit humilié, et peut-être alors l'obligera-t-on à reconnaître quelques-uns de ses droits de l'humanité. Quel outrage ! On voit maintenant où je vais, et la conséquence que je m'apprête à tirer de tout ce qui précède. Voici cette conséquence. Si les puissances belligérantes ne peuvent arriver à un arrangement pendant l'hiver, si le reste de l'Europe croit devoir au printemps se mêler de la querelle, si des alliances diverses sont proposées, si la France est absolument obligée de choisir entre ces alliances, si les événements la forcent de sortir de sa neutralité, tous ses intérêts doivent la décider à s'unir de préférence à la Russie. Combinaison d'autant plus sûre qu'il serait facile, par l'offre de certains avantages, d'y faire entrer la Prusse. Il y a sympathie entre la Russie et la France. La dernière a presque civilisé la première dans les classes élevées de la société. Elle lui a donné sa langue et ses mœurs. Placées aux deux extrémités de l'Europe, la France et la Russie ne se touchent point par leurs frontières. Elles n'ont point de champ de bataille où elles puissent se rencontrer. Elles n'ont aucune rivalité de commerce, et les ennemis naturels de la Russie, les Anglais et les Autrichiens, sont aussi les ennemis naturels de la France. En temps de paix, que le cabinet des Tuileries reste l'allié du cabinet de Saint-Pétersbourg, et rien ne peut bouger en Europe. En temps de guerre, l'union des deux cabinets dictera des lois au monde. J'ai fait voir assez que l'alliance de la France avec l'Angleterre et l'Autriche contre la Russie est une alliance de dupes, où ne nous trouverions que la perte de notre sang et de nos trésors. L'alliance de la Russie, au contraire, nous mettrait à même d'obtenir des établissements dans l'archipel et de reculer nos frontières jusqu'au bord du Rhin. Nous pouvons tenir ce langage à Nicolas. Vos ennemis nous sollicitent, nous préférons la paix à la guerre, nous désirons garder la neutralité. Mais enfin, si vous ne pouvez vider vos différends avec la porte que par les armes, si vous voulez aller à Constantinople, entrez avec les puissances chrétiennes dans un partage équitable de la Turquie européenne. Celles de ces puissances qui ne sont pas placées de manière à s'agrandir du côté de l'Orient recevront ailleurs des dédommagements. Nous, nous voulons avoir la ligne du Rhin, depuis Strasbourg jusqu'à Cologne. Telles sont nos justes prétentions. La Russie a un intérêt, votre frère Alexandre l'a dit, à ce que la France soit forte. Si vous consentez à cet arrangement et que les autres puissances s'y refusent, nous ne souffrirons pas qu'elles interviennent dans votre démêlée avec la Turquie. Si elles vous attaquent, malgré nos remontrances, nous les combattrons avec vous, toujours aux mêmes conditions que nous venons d'exprimer. Voilà ce qu'on peut dire à Nicolas. Jamais l'Autriche, jamais l'Angleterre, nous nous donnerons la limite du Rhin pour prix de notre alliance avec elle. Or, c'est pourtant là que, tôt ou tard, la France doit placer ses frontières, tant pour son honneur que pour sa sûreté. Une guerre avec l'Autriche et avec l'Angleterre a des espérances nombreuses de succès et peu de chances de revers. Il est d'abord des moyens de paralyser la Prusse, de la déterminer même à s'unir à nous et à la Russie. Ce cas arrivé, les Pays-Bas ne peuvent se déclarer ennemis. Dans la position actuelle des esprits, 40 000 Français défendant les Alpes, soulèverait toute l'Italie. Quant aux hostilités avec l'Angleterre, si elles devaient jamais commencer, il faudrait ou jeter 25 000 hommes de plus en Morée ou en rappeler promptement nos troupes et notre flotte. Renoncez aux escadres. Dispersez vos vaisseaux un à un sur toutes les mers. Ordonnez de couler bas toutes les prises après en avoir retiré les équipages. Multipliez les lettres de marque dans les ports des quatre parties du monde. Et bientôt la Grande-Bretagne, forcée par les banqueroutes et les cris de son commerce, sollicitera le rétablissement de la paix. Ne l'avons-nous pas vu capituler en 1814 devant la marine des États-Unis, qui ne se compose pourtant aujourd'hui que de 9 frégates et de 11 vaisseaux? Considérée sous le double rapport des intérêts généraux de la société et de nos intérêts particuliers, la guerre de la Russie contre la porte ne doit nous donner aucun ombrage. En principe de grande civilisation, l'espèce humaine ne peut que gagner à la destruction de l'Empire ottoman. Mieux vaut 1000 fois pour les peuples la domination de la croix à Constantinople que celle du croissant. Tous les éléments de la morale et de la société politique sont au fond du christianisme. Tous les germes de la destruction sociale sont dans la religion de Mahomet. On dit que le sultan actuel a fait des pas vers la civilisation. Est-ce parce qu'il a essayé, à l'aide de quelques renégats français, de quelques officiers anglais et autrichiens, de soumettre ses hordes fanatiques à des exercices réguliers ? Et depuis quand l'apprentissage machinal des armes est-il la civilisation ? C'est une faute énorme, c'est presque un crime d'avoir initié les Turcs dans la science de notre tactique. Il faut baptiser les soldats qu'on discipline, à moins qu'on ne veuille élever à dessein des destructeurs de la société. L'imprévoyance est grande. L'Autriche, qui s'applaudit de l'organisation des armées ottomanes, serait la première à porter la peine de sa joie. Si les Turcs battaient les Russes, à plus forte raison seraient-ils capables de se mesurer avec les impériaux, leurs voisins. Vienne, cette fois, n'échapperait pas au grand vizir. Le reste de l'Europe, qui croit n'avoir rien à craindre de la porte, serait-il plus en sûreté ? Des hommes à passion et à courte vue veulent que la Turquie soit une puissance militaire régulière, qu'elle entre dans le droit commun de paix et de guerre des nations civilisées, le tout pour maintenir je ne sais quelle balance, dont le mot, vide de sens, dispense ces hommes d'avoir une idée. Quelles seraient les conséquences de ces volontés réalisées ? Quand il plairait au sultan, sous un prétexte quelconque, d'attaquer un gouvernement chrétien, une flotte constantinopolitaine, bien manœuvrée, augmentée de la flotte du pacha d'Égypte et du contingent maritime des puissances barbaresques, déclarerait les côtes de l'Espagne ou de l'Italie en état de blocus, débarquerait 50 000 hommes à Carthagène ou à Naples. Vous ne voulez pas planter la croix sur Sainte-Sophie. Continuez de discipliner des hordes de Turcs, d'Albanais, de Nègres et d'Arabes. Et avant 20 ans peut-être, le croissant brillera sur le dôme de Saint-Pierre. Appellerez-vous alors l'Europe à une croisade contre des infidèles armés de la peste, de l'esclavage et du Coran ? Il sera trop tard. Les intérêts généraux de la société trouveraient donc leur compte au succès des armes de l'empereur Nicolas. Quant aux intérêts particuliers de la France, j'ai suffisamment prouvé qu'ils existaient dans une alliance avec la Russie et qu'ils pouvaient être singulièrement favorisés par la guerre même que cette puissance soutient aujourd'hui en Orient. Résumé, conclusion et réflexion. Je me résume. Premièrement, la Turquie consentit-elle à traiter sur les bases du traité du 6 de juillet ? Rien ne serait encore décidé, la paix n'étant pas faite entre la Turquie et la Russie. Les chances de la guerre dans les défilés du Balkan changeraient à chaque instant les données et la position des plénipotentiaires occupés de l'émancipation de la Grèce. Deuxièmement, les conditions probables de la paix entre l'empereur Nicolas et le sultan Mahmoud sont sujettes aux plus grandes objections. Troisièmement, la Russie peut braver l'union de l'Angleterre et de l'Autriche, union plus formidable en apparence qu'en réalité. Quatrièmement, il est probable que la Prusse se réunirait plutôt à l'empereur Nicolas, gendre de Frédéric Guillaume III, qu'aux ennemis de l'empereur. Cinquièmement, la France aurait tout à perdre et rien à gagner en s'alliant avec l'Angleterre et l'Autriche contre la Russie. Sixièmement, l'indépendance de l'Europe ne serait point menacée par les conquêtes des Russes en Orient. C'est une chose passablement absurde, c'est ne tenir compte d'aucun obstacle que de faire accourir les Russes du Bosphore pour imposer leur joug à l'Allemagne et à la France. Tout empire s'affaiblit en s'étendant. Quant à l'équilibre des forces, il y a longtemps qu'il est rompu pour la France. Elle a perdu ses colonies, elle est resserrée dans ses anciennes limites, tandis que l'Angleterre, la Prusse, la Russie et l'Autriche se sont prodigieusement agrandies. Septièmement, si la France était obligée de sortir de sa neutralité, de prendre les armes pour un parti ou pour un autre, les intérêts généraux de la civilisation, comme les intérêts particuliers de notre patrie, doivent nous faire entrer de préférence dans l'alliance russe. Par elle, nous pourrions obtenir le cours du Rhin pour frontière et des colonies dans l'archipel, avantage que nous nous accorderons jamais les cabinets de Saint-James et de Vienne. Tel est le résumé de cette note. Je n'ai pu raisonner qu'hypothétiquement. J'ignore ce que l'Angleterre, l'Autriche et la Russie proposent, ou ont proposé, au moment même où j'écris. Il y a peut-être un renseignement, une dépêche, qui réduisent à des généralités inutiles les vérités exposées ici. C'est l'inconvénient des distances et de la politique conjecturale. Il reste néanmoins certain que la position de la France est forte, que le gouvernement est à même de tirer le plus grand parti des événements s'il se rend bien compte de ce qu'il veut, s'il ne se laisse intimider par personne, si, à la fermeté du langage, il joint la vigueur de l'action. Nous avons un roi vénéré, un héritier du trône qui accroîtrait sur les bords du Rhin, avec 300 000 hommes, la gloire qu'il a recueillie en Espagne. Notre expédition de Morée nous fait jouer un rôle plein d'honneur. Nos institutions politiques sont excellentes. Nos finances sont dans un état de prospérité sans exemple en Europe. Avec cela, on peut marcher tête levée. Quel beau pays que celui qui possède le génie, le courage, les bras et l'argent. Au surplus, je ne prétends pas avoir tout dit, tout prévu. Je n'ai point la présomption de donner mon système comme le meilleur. Je sais qu'il y a dans les affaires humaines quelque chose de mystérieux, d'insaisissable. S'il est vrai qu'on puisse annoncer assez bien les derniers et généraux résultats d'une révolution, il est également vrai qu'on se trompe dans les détails, que les événements particuliers se modifient souvent d'une manière inattendue, et qu'en voyant le but, on y arrive par des chemins dont on ne soupçonnait pas même l'existence. Il est certain, par exemple, que les Turcs seront chassés de l'Europe. Mais quand et comment ? La guerre actuelle délivrera-t-elle le monde civilisé de ce fléau ? Les obstacles que j'ai signalés à la paix sont-ils insurmontables ? Oui, si l'on s'en tient aux raisonnements analogues. Non, si l'on fait entrer dans les calculs des circonstances étrangères à celles qui ont occasionné la prise d'armes. Presque rien aujourd'hui ne ressemble à ce qui a été. Or, la religion et la morale, la plupart des vérités sont changées, sinon dans leur essence, du moins dans leur rapport avec les choses et les hommes. Dossa reste encore comme un négociateur habile, Grotius comme un publiciste de génie, Pufendorf comme un esprit judicieux. Mais on ne saurait appliquer à nos temps les règles de leur diplomatie, ni revenir pour le droit politique de l'Europe au traité de Westphalie. Les peuples se mêlent actuellement de leurs affaires, conduites autrefois par les seuls gouvernements. Ces peuples ne sentent plus les choses comme ils les sentaient jadis. Ils ne sont plus affectés des mêmes événements. Ils ne voient plus les objets sous le même point de vue. La raison chez eux a fait des progrès aux dépens de l'imagination. Le positif l'emporte sur l'exaltation et sur les déterminations passionnées. Une certaine raison règne partout. Sur la plupart des trônes et dans la majorité des cabinets de l'Europe, sont assis des hommes las de révolution, rassasiés de guerre et antipathiques à tout esprit d'aventure. Voilà des motifs d'espérance pour des arrangements pacifiques. Il peut exister aussi chez les nations des embarras intérieurs qui les disposeraient à des mesures conciliatrices. La mort de l'impératrice douairière de Russie peut développer des semences de troubles qui n'étaient pas parfaitement étouffées. Cette princesse se mêlait peu de la politique extérieure, mais elle était un lien entre ses fils. Elle a passé pour avoir exercé une grande influence sur les transactions qui ont donné la couronne à l'empereur Nicolas. Toutefois, il faut avouer que si Nicolas recommençait à craindre, ce serait pour lui un motif de plus de pousser ses soldats hors du sol natal et de chercher sa sûreté dans la victoire. L'Angleterre, indépendamment de sa dette qui gêne ses mouvements, est embarrassée dans les affaires d'Irlande. Que l'émancipation des catholiques passe ou ne passe pas dans le Parlement, ce sera un événement immense. La santé du roi George est chancelante. Celle de son successeur immédiat n'est pas meilleure. Si l'accident prévu arrivait bientôt, il y aurait convocation d'un nouveau Parlement. Peut-être changement de ministre. Et les hommes capables sont rares aujourd'hui en Angleterre. Une longue régence pourrait peut-être venir. Dans cette position précaire et critique, il est probable que l'Angleterre désire sincèrement la paix, et qu'elle craint de se précipiter dans les chances d'une grande guerre au milieu de laquelle elle se trouverait surprise par des catastrophes intérieures. Enfin, nous-mêmes, malgré nos prospérités réelles et indiscutables, bien que nous puissions nous montrer avec éclat sur un champ de bataille, si nous y sommes appelés, sommes-nous tout à fait prêts à y paraître ? Nos places fortes sont-elles réparées ? Avons-nous le matériel nécessaire pour une nombreuse armée ? Cette armée est-elle même au complet du pied de paix? Si nous étions réveillés brusquement par une déclaration de guerre de l'Angleterre, de la Prusse et des Pays-Bas, pourrions-nous nous opposer efficacement à une troisième invasion? Les guerres de Napoléon ont divulgué un fatal secret. C'est qu'on peut arriver en quelques journées de marche à Paris, après une affaire heureuse. C'est que Paris ne se défend pas. C'est que ce même Paris est beaucoup trop près de la frontière. La capitale de la France ne sera à l'abri que quand nous posséderons la rive gauche du Rhin. Nous pouvons donc avoir besoin d'un temps quelconque pour nous préparer. Ajoutons à tout cela que les vices et les vertus des princes, leurs forces et leurs faiblesses morales, leur caractère, leurs passions, leurs habitudes même, sont des causes d'actes et de faits rebelles au calcul, et qui ne rentrent dans aucune formule politique. La plus misérable influence détermine quelquefois le plus grand événement dans un sens contraire à la vraisemblance des choses. Un esclave peut faire signer à Constantinople une paix que toute l'Europe, conjurée ou à genoux, n'obtiendrait pas. Que si donc quelqu'une de ces raisons, placée hors de la prévoyance humaine, amenait, durant cet hiver, des demandes de négociation, faudrait-il les repousser si elles n'étaient pas d'accord avec les principes de cette note? Non, sans doute. Gagner du temps est un grand art, quand on n'est pas prêt. On peut savoir ce qu'il y aurait de mieux et se contenter de ce qu'il y a de moins mauvais. Les vérités politiques surtout sont relatives. L'absolu en matière d'État a de graves inconvénients. Il serait heureux, pour l'espèce humaine, que les Turcs fussent jetés dans le Bosphore, mais nous ne sommes pas chargés de l'expédition, et l'heure du mahométisme n'est peut-être pas sonnée. La haine doit être éclairée pour ne pas faire de sottises. Rien ne doit donc empêcher la France d'entrer dans des négociations en ayant soin de les rapprocher le plus possible de l'esprit dans lequel cette note est rédigée. C'est aux hommes qui tiennent le timon des empires à les gouverner selon les vents en évitant les écueils. Certes, si le puissant souverain du Nord consentait à réduire les conditions de la paix à l'exécution du traité d'Ackermann et à l'émancipation de la Grèce, il serait possible de faire entendre raison à la porte. Mais quelle probabilité y a-t-il que la Russie se renferme dans des conditions qu'elle aurait pu obtenir sans tirer un coup de canon? Comment abandonnerait-elle des prétentions si hautement et si publiquement exprimées? Un seul moyen, s'il en est un, se présenterait. Proposer un congrès général où l'empereur Nicolas céderait, ou aurait l'air de céder, aux vœux de l'Europe chrétienne. Un moyen de succès auprès des hommes, c'est de sauver leur amour-propre, de leur fournir une raison de dégager leurs paroles et de sortir d'un mauvais pas avec honneur. Le plus grand obstacle à ce projet d'un congrès viendrait du succès inattendu des armes ottomanes pendant l'hiver. Que, par la rigueur de la saison, le défaut de vivres, par l'insuffisance des troupes ou par toute autre cause, les Russes soient obligés d'abandonner le siège de Silistrie. Que Varna, ce qui cependant n'est guère probable, retombe entre les mains des Turcs, l'empereur Nicolas se trouverait dans une position qui ne lui permettrait plus d'entendre à aucune proposition, sous peine de descendre au dernier rang des monarques. Alors la guerre se continuerait et nous rentrerions dans les éventualités que cette note a déduites. Que la Russie perde son rang comme puissance militaire, que la Turquie la remplace dans cette qualité, l'Europe n'aurait fait que changer de péril. Or, le danger qui nous viendrait par le cimetière de Mahmoud serait d'une espèce bien plus formidable que celui dont nous menacerait l'épée de l'empereur Nicolas. Si la fortune assied par hasard un prince remarquable sur le trône des sultans, il ne peut vivre assez longtemps pour changer les lois et les mœurs, en eût-il d'ailleurs le dessein. Mahmoud mourra. À qui laissera-t-il l'empire, avec ses soldats fanatiques disciplinés, avec ses ulémas, ayant entre leurs mains, par l'initiation à la tactique moderne, un nouveau moyen de conquête pour le Coran? Tandis que, épouvantée enfin de ses faux calculs, l'Autriche serait obligée de se garder sur des frontières où les janissaires ne lui laissaient rien à craindre, une nouvelle insurrection militaire, résultat possible de l'humiliation des armes de Nicolas, éclaterait peut-être à Pétersbourg, se communiquerait de proche en proche, mettrait le feu au nord de l'Allemagne. Voilà ce que n'aperçoivent pas des hommes qui en sont restés pour la politique, aux frayeurs vulgaires comme aux lieux communs. De petites dépêches, de petites intrigues, sont les barrières que l'Autriche prétend opposer un mouvement qui menace tout. Si la France et l'Angleterre prenaient un parti digne d'elle, si elles notifiaient à la porte que, dans le cas où le sultan fermerait l'oreille à toute proposition de paix, il les trouvera sur le champ de bataille au printemps, cette résolution aurait bientôt mis fin aux anxiétés de l'Europe. L'existence de ce mémoire, ayant transpiré dans le monde diplomatique, m'attira une considération que je ne rejetais pas, mais que je n'ambitionnais point. Je ne vois pas trop ce qui pourrait surprendre les positifs. Ma guerre d'Espagne était une chose très positive. Le travail incessant de la révolution générale qui s'opère dans la vieille société, en amenant parmi nous la chute de la légitimité, a dérangé des calculs subordonnés à la permanence des faits tels qu'ils existaient en 1828. Fin de la section 39.